Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent. Bien entendu, j'ai pas inventé cet adage, mais je le trouve très pertinent. Donc, il faut commencer à s'occuper de soi d'abord, d'être généreux envers soi-même d'abord avant de vouloir sauver les autres ou s'occuper des autres. Puis, lorsqu'on se déspiritualise, on n'est même plus intéressé à sauver les autres. Mais c'est un principe qui n'est pas intégré par tout le monde. Donc, récemment, il y a à peine quelques jours, eh bien, ça faisait 2 ans là, qu'a cours la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, au mois de février 2024, ça faisait à peu près 2 ans. Et là, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé une aide financière militaire à la hauteur de 3 milliards de dollars pour l'Ukraine. Et j'ai été contrarié d'apprendre cette nouvelle, étant donné que, avant de vouloir aider les gens en Ukraine, je pense qu'il y a des problèmes plus urgents à régler par rapport à sa propre population. Parce qu'au moment où on se parle au Canada, il y a des gens, notamment au Québec, qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Ils n'ont pas d'accès à un temps d'attente décent lorsque la personne va à l'urgence de l'hôpital. Ensuite, il y a des problèmes d'accès pour des spécialistes. Je peux très bien parler de ça, étant donné que depuis le mois d'août dernier, j'attends de rencontrer naturellement un urologue dans le réseau public. Bien entendu, je n'ai pas été recontacté par le réseau, alors que depuis mon enfance, je vais payer des taxes à chaque fois que j'achète des produits dans des magasins. Donc, pour la plupart des produits ici, on est très taxé. On paye environ 15% de la valeur des produits, que ce soit, par exemple, d'acheter un lecteur DVD, acheter une télévision. Donc, les produits sont taxables et par la suite, on n'a pas nécessairement des services de qualité, notamment dans le domaine de la santé, mais il y a d'autres secteurs aussi. Présentement, il y a un problème de pénurie de logements à la grandeur du Québec, ce qui fait augmenter le coût du logement, le coût de l'habitation. Il y a des problèmes d'inflation. Donc, moi, je suis de l'avis que Justin Trudeau, là, en donnant 3 milliards là, en soutien à l'Ukraine, eh bien, je trouve pas ça pertinent. Je veux dire qu'il commence par s'occuper que la population au Canada là, soit capable d'avoir accès à des soins de santé décents. Ensuite, qu'il règle les problèmes d'itinérance liés à la crise du logement. Puis après ça, là, quand on commencera à arriver, régler les problèmes aussi d'endettement. Là, il y a de différents problèmes ici là, qu'il y a à régler, qui commence à les régler. Puis après ça, là, s'il y a un surplus d'énergie ou un surplus d'argent, qu'il s'occupe de vouloir sauver la veuve et l'orphelin un peu partout dans le monde pour faire de l'aide humanitaire. Je suis tanné de le voir dilapider les fonds publics. C'est très contrariant comme situation. Ça dure depuis plusieurs années. Peut-être que Justin Trudeau va battre le record de son père, qui avait été également premier ministre du Canada. Pour endetter massivement le Canada. On verra bien. Mais je suis tanné de cette mentalité-là. Et est-ce que, objectivement parlant, de donner 3 milliards d'argent à l'Ukraine va les aider? Parce que ça fait plusieurs mois, que ce soit le Canada, la France, la Suisse, les différents pays membres de l'OTAN, ils ont donné massivement de l'argent en soutien à l'Ukraine. Or, ça n'a pas amené un changement de second niveau parce que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans au moment où on a fait cette capsule audio, que la guerre entre la Russie et l'Ukraine perdure. Donc, les Ukrainiens n'ont pas reconquéri le territoire que les Russes leur ont pris dans la région, entre autres, du Donbass. Donc, à un moment donné, il faut que les gens s'ouvrent les yeux à savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Parce que là, Justin Trudeau et le Canada qui envoient des chars d'assaut au compte-gouttes, donc envoyer 3 ou 4 chars d'assaut par ici, un autre pays en envoie 3 ou 4, ainsi de suite. Est-ce que ça donne le résultat escompté, c'est-à-dire permettre aux Ukrainiens de reprendre le contrôle de leur territoire? La réponse, c'est non. Donc, est-ce que ça vaut la peine de continuer de donner de l'argent à l'Ukraine? J'ai des sérieuses questions par rapport à ça. J'ai des sérieux doutes, en fait, de la pertinence de tout ça. Donc, je ne sais pas exprimer ma contrariété dans le sens que il y a à peu près 2 ans, c'est-à-dire au mois de mars 2022. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver là, sur ma chaîne YouTube. J'avais réalisé une entrevue avec Berthold en relation au moment où commençait la guerre en Ukraine. Et dans le cadre de la discussion, bon, ben, dans le fond, ce qui avait été question, c'est que ça générait un paquet de souffrances. Et il y a beaucoup de souffrances qui sont générées d'une manière inutile. Puis j'avais des sérieux doutes de cette période-là, de la pertinence là, de l'OTAN, là, qui les pays se mettraient ensemble là, pour donner du soutien au compte-gouttes à l'Ukraine, puis qu'il y aurait une contre-offensive qui permettrait aux Ukrainiens de reprendre leur territoire. J'avais des sérieux doutes par rapport à la nature de l'opération. Et au fil du temps, ben, mes doutes se confirment parce qu'ils disaient « Ah, on va mettre l'économie russe à terre ». Donc, avec une stratégie économique, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, comment dire, il y a des choses que je voyais que ça ne marchait pas il y a environ 2 ans. Aujourd'hui, ça se confirme que ça ne marche pas. Résultat, les pays comme le Canada, la France et les autres vont continuer à donner de l'argent à l'Ukraine, alors qu'en faisant ça, c'est peut-être même leur nuire. Même s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont pro-ukrainiens, posez-vous la question si, objectivement parlant, on rend service aux gens en Ukraine en faisant perdurer des souffrances parce qu'on ne permet pas un soutien ou déployer une force qui permet un changement au second niveau puis de renverser la vapeur. Donc, à un moment donné, il faut regarder que quelque part, ce qui est fait présentement puis depuis plusieurs mois, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une perte de temps. À mon avis, c'est une perte d'argent. Parce que, si vous écoutez, par exemple, il y a un gars qui s'appelle Idriss Abrakhan. Je ne sais pas si je le prononce comme faux, son nom de famille, mais il avait fait, bref, une vidéo très intéressante en disant que ceux qui se disent étant les meilleurs amis de l'Ukraine sont en réalité ses pires ennemis. Pourquoi? Parce que les pays qui soutiennent l'Ukraine font miroiter que les Ukrainiens peuvent gagner la guerre, alors qu'en réalité, c'est pas ce qui se déroule présentement. Donc, le Canada ainsi que d'autres pays sont peut-être une force d'aveuglement. C'est comme dire à quelqu'un qui a des bonnes chances d'aller à l'université, alors qu'il ne se qualifie pas parce qu'il n'y a pas les notes pour ça, mais pour des raisons de motivation psychologique, on va dire « Ah ouais, lâche pas, tu es capable ». Mais il faut être réaliste aussi, c'est-à-dire c'est pas en envoyant 3 ou 4 chars d'assaut à le Canada ou d'autres pays qui va amener un changement au second niveau. S'il envoyait, par exemple, 2000 chars d'assaut de type Léopard, qui appartiennent à l'OTAN, peut-être, mais là, présentement, on n'est pas du tout par rapport à ça. Donc, moi, ce que je vois présentement, c'est qu'un paquet de souffrances inutiles est généré dans une situation de conflit. Qui gaspille de l'énergie, des fonds publics. Donc, l'Ukraine, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la guerre, le début de ce que certains appellent la guerre, mais les Russes vont dire, c'est une opération militaire spéciale qui opère, parce que tout est idéologique et jeu de perception. Ça, c'est un aspect que j'aime étudier, dans le sens que, d'un côté, on va parler que il y a 2 ans, là, depuis 2 ans, là, l'Ukraine est agressée par la Russie. C'est des forces d'agression. Et du côté russe, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est des forces de libération qu'ils mettent en place par rapport aux gens du Donbass, les séparatistes, qui sont agressés par, entre autres, les autorités ukrainiennes. Donc, tout dépendant à quel camp on se trouve, ben, on a une vision polarisée de la situation, naturellement. Et c'est ce qui joue le jeu des idéologies, de l'hypnose de masse. Donc, les gens au Canada, en France, dans les autres pays, en général, sont hypnotisés, sont conditionnés par les médias de masse pour apporter un soutien aveugle à l'Ukraine sans se poser de questions à savoir c'est où ça va l'argent qui est envoyé depuis près de 2 ans. Est-ce que c'est utilisé à bon escient? À qui ça profite? Donc, c'est sûr que les marchands d'armes, c'est les grands gagnants, à mon avis, depuis le début de l'opération, en particulier les producteurs de drones. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est qu'au fil de 2 ans, je suis tout le temps désolé de voir que le gros bon sens ne s'applique pas nécessairement ici, dans le sens que de dépenser de l'argent pour faire miroiter à des gens qui peuvent gagner à la guerre alors que les membres de l'OTAN ne s'impliquent pas sérieusement. Ce que j'entends par implication sérieuse pour amener un changement au second niveau, ce serait d'envoyer des troupes armées en sol ukrainien combattre les Russes. Parce que là, après 2 ans, il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui sont morts. Tant que les Russes sont plus nombreux, c'est parce que là, à un moment donné, ça prend des soldats. C'est bien beau envoyer des obus, envoyer des drones, mais c'est parce que ça prend des gens pour les opérer. Donc, une force militaire physique ou employer des armes en plus grande quantité. Je souhaite pas nécessairement cela parce que ça mènerait une escalade qui pourrait nous amener dans une troisième guerre mondiale avec la Russie, naturellement. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que Justin Trudeau est en train d'endetter massivement ma génération, la génération aussi de ma fille, qui est âgée d'un an, et peut-être les autres d'après aussi, encore une fois, avec des dépenses folles, qui ne servent pas à personne. Même quelqu'un qui est pro-ukrainien est obligé de reconnaître après 2 ans que finalement le soutien entre guillemets des alliés, des pays amis sont venus voir Zelensky puis dire qu'elle allait donner de l'équipement puis ainsi de suite, ça marche pas. Ça met pas fin au conflit. Donc ça donne pas les résultats escomptés. Puis Trudeau, avant de vouloir sauver les autres, là, cette tête de grande spiritualité naïve, qui s'occupe donc des Canadiens. Des Canadiens qui n'ont pas accès à des soins de santé décents ou qui sont confrontés à une situation d'itinérance ou de pauvreté parce que les prix du logement ou de l'alimentation est plus difficilement abordable, qui s'occupe de ces problèmes-là. Et quand on arrêtera d'avoir des déficits et des problèmes d'endettement, à ce moment-là, après ça, là, il fera de l'aide humanitaire, là, puis envoyer du soutien à des pays pour sauver la veuve et l'orphelin, là. Mais c'est qu'il ne met pas les priorités à bonne place, la façon que je vois les choses. Moi, la façon que je vois ma vie, c'est que à partir de l'argent que j'ai pendant mon mois courant, je m'occupe de payer mon loyer. Je m'occupe aussi des dépenses courantes, là. Donc le loyer et l'électricité. Ensuite, si j'ai un surplus d'argent, je peux faire une contribution financière à quelqu'un ou envoyer un don, mais il faut s'occuper de soi d'abord, d'être en équilibre. Des gens qui ne sont pas en équilibre, qui ne mangent pas à leur faim au Canada, puis l'autre, il va dépenser 3 milliards qui s'ajoutent à d'autres dépenses. Puis je sais que c'est la même chose qui se produit, pourquoi que je parle de ça, entre autres. Je sais que c'est exactement le même scénario qui se produit avec d'autres pays de l'Europe, que ce soit la France, la Suisse, la Belgique. Donc, souvent, les gens sont bons pour vouloir faire de l'aide internationale, mais ils sont confrontés à des problèmes importants dans leur propre pays. À un moment donné, il faut que les gens s'éveillent, il faut qu'ils réalisent que ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, il faut que les gens contestent ça. Moi, c'est sûr, Justin Trudeau, aux prochaines élections, je ne voterai pas pour lui. Mais si je vote pour Poilievre, est-ce que ça a amené un changement au second niveau? Poilievre fait partie de l'opposition contrôlée, qui est manipulée par les mêmes structures de gens qui, au niveau international, tirent les ficelles pour s'assurer que les politiciens vont mettre des politiques en place qui vont être favorables à différents types de lobbies à caractère internationaliste. Mondialiste, devrais-je dire. Ou si on le prend d'une manière purement occulte, au plan astral. Donc, Trudeau est sous influence de forces qui lui échappent, qui l'amènent parfois à s'échapper, parce que récemment, il avait fait un discours public où il souhaitait la victoire à la Russie. Et quelques secondes plus tard, il s'est rétracté. Il dit « Non, non, l'Ukraine! » Et tout ça a été enregistré dans les médias, ça a même circulé, là, entre autres, sur le web. Et André Moreau, le philosophe jovialiste, que ça fait plusieurs années que j'écoute ses enregistrements, disait ceci. « Méfiez-vous de votre première impression, de votre première idée, parce que c'est généralement la bonne. » Et sinon, si on le prend sur le plan psychanalytique, quelqu'un va dire qu'il a dit ce qu'il pensait vraiment, puis après ça, pour des raisons de rationalisation, c'est rajusté en disant « Non, non, c'est pour l'Ukraine. » Mais est-ce qu'inconsciemment, il veut que la Russie gagne sur l'Ukraine? Je ne sais pas. Mais c'est ce qui est sorti en priorité de sa bouche. Après ça, c'est réajusté. Donc, ce petit incident nous témoigne que sa parole n'est pas toujours ajustée. À moins qu'en réalité, l'agenda secret des dirigeants ou de plusieurs dirigeants, c'est que la Russie gagne. Mais pendant ce temps-là, endette d'autres pays de l'OTAN qui s'appauvrissent au détriment d'eux. C'est une possibilité. Moi, je me permets de mettre sur la table plusieurs possibilités dans le cadre de cet enregistrement. Mais tout ça pour dire que je suis tanné de voir Justin Trudeau qui dépense des fonds publics dans des dépenses à coups de milliards qui sont pas nécessairement dans l'intérêt des citoyens du Canada qui est censé représenter. Moi, quand on parle de Justin Trudeau, si je discute ou j'interagis avec des gens en Europe ou un peu partout, je peux vous dire qu'il me représente pas du tout. Justin Trudeau, il parle pas en mon nom. Puis là, s'il fait des discours, puis il dit au nom de tous les citoyens canadiens, nous donnons un soutien à l'Ukraine, blablabla, ben moi, je me dissocie de son discours. Parce que lui, il cherche à être inclusif. En voulant dire qu'il parle au nom de tous, alors que c'est pas mon cas. Par contre, ce qu'il faut que vous compreniez, puis je vais essayer d'être clair ici, je suis pas pro-russe, bien que je critique ce qui est fait par rapport à l'Ukraine, ni même pro-ukrainien. Je définirais ma position comme étant celle-ci, je suis pro-humain. Donc, je suis tanné de voir l'être humain qui se fait manipuler, autant les Russes qui sont manipulés que les Ukrainiens par une propagande insidieuse, grossière, qui cherche à abrutir les masses et les garder dans un état d'hypnose pour créer un consentement public à des dépenses futiles. D'un camp comme de l'autre, c'est sûr que je suis pas naïf. Pour moi, Vladimir Poutine, c'est un tyran, c'est un dictateur qui manipule les ficelles. Puis Zelensky, à quelque part, cherche à tirer profit de la situation en Ukraine pour aller chercher entre autres de la visibilité médiatique, puis jouer le rôle d'une espèce de sauveur d'un peuple. À quelque part, dans les deux cas, c'est pas des gens que j'admire, aucunement. Je vois que c'est des gens qui peuvent être intelligents pour manipuler l'opinion publique internationale, tirer la couverte de leur côté. Je peux voir dans les deux personnages des stratèges politiques à certains niveaux. Des fois, je doute de leur stratégie, là. Mais tout ça pour dire que je ferai pas tout le temps des enregistrements comme ça. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire un enregistrement à caractère politique parce que c'est comme une frustration que j'ai. Tu sais, je suis au Canada, je vis ici, puis c'est comme si mon opinion, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens que leur opinion, ils se sentent pas écoutés. Pis c'est vraiment contrariant. Pourquoi que je fais cet enregistrement-là? C'est tout simplement pour la satisfaction personnelle de dire que je suis pas d'accord avec les dirigeants du pays où je me trouve. Je suis pas d'accord avec la façon que j'ai géré l'argent. Puis, je trouve ça stupide, qu'est-ce qui se passe. Peut-être un jour, il y aura des changements. Mais c'était tout simplement pour la satisfaction personnelle d'exprimer mon désaccord. Donc, sur ces mots, je vous laisse. Au revoir.